Sound System, la face A, le samedi, welcome, bon réveil, merci à toi d'être calé fréquence 95.30 pour le meilleur de la musique électronique et de la rétro sur le live.galaxyfm.com sur internet. Week-end spécial aujourd'hui pour la fête de la musique et jusque demain dimanche avec pas mal de bonnes choses de prévues sur l'île, notamment, je t'en parlerai tout à l'heure, mais on démarre notre émission avec Andrew Brix, Piano Euphoria, place à la rétro, à tout à l'heure. Galaxy, bon week-end sur Galaxy.

System sur Galaxy, la face A. Tu écoutes Yuna avec Kanyo et Ermi. Et ce week-end, c'est un week-end spécial pour la fête de la musique. Ça démarre tout à l'heure à partir de 15h au Café de Paris, rue de Paris à Lille. Tout près de la place de l'Opéra, tu retrouves pas mal de membres de la team Intergalactique et d'autres DJ de la team Sound System. Il y aura ASGM, Manhattan, Jay, Philippe, Sacha, Insomniac, Huggy Costado et Tecox. Et puis demain, dimanche, à partir de 14h, tu retrouves les mêmes au platine ou presque. Il y aura Michael, Ice, GM, MD, Manhattan, Connie, Quick, Mylox, Sacha, Ridou et Huggy Costado. Plus d'informations directement en un clic sur le site web de l'émission www.soundsystem-mix.fr. Ça se passe à partir de tout à l'heure, à 15h, au Café de Paris, rue de Paris à Lille, tout près de la place de l'Opéra. On continue en musique et en rétro avec toute une série de morceaux pour la prochaine demi-heure. Il y aura Intelligence, les Foremost Poets avec le titre Moonraker. Et puis on terminera avec Emmanuel Top, Turkish Bazaar. C'est reparti. Sound System, Jérémy sur Galaxy. The final stage of Ooh, yeah.

toi et Mio là. Ça prend un peu. Ça fait 20 minutes que je passe. C'est bien. Oh. Oh, mais c'est un peu ça. Bouge plus. Nous avons des problèmes dans les studios, non? Et qu'est-ce que ça? Please do not be alarmed, remain calm. Do not attempt to leave the dance floor. The DJ booth is conducting a troubleshoot test of the entire system. Somehow, while the party was in progress, an unidentified frequency has been existing in the system for some time. And while many of you have been made too brainwashed to comprehend, this frequency is and has become a threat to our society as we know it. This frequency has been used by a secret society in conjunction with Lucifer to lure and prey on innocent partygoers with hypnotism, synchroprism, trickology, lies, scandal, and pornography. While the party is still in progress, we will keep you updated on our current status. This is only a test. The DJ booth is conducting a troubleshoot test of the entire system. Somehow, while the party was in progress, an unidentified frequency has been existing in the system for some time. And while many of you have been made too brainwashed to comprehend, this frequency is and has become a threat to our society as we know it. This frequency has been and used by a secret society in conjunction with Lucifer to lure and prey on innocent partygoers. This is only a test. Station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul, the mind, the body.

système Galaxy Fréquence 95-30 pour le meilleur de la rétro. Tous les samedis entre 8h et 10h, la face A. Et demain, rendez-vous à partir de 10h, 10h midi, la face B de l'émission, le concept 100% interactif. On vient d'écouter Inner City avec Good Life. Il est 9h. Merci à toi d'être calé Sound System et connecté sur le live.galaxyfm.com pour profiter de nos programmes sur Internet. On continue en musique, en rétro, avec Energy 52, Café Del Mar. Sound system. revenge. Thank you. System sur Galaxy, la face A. Tu écoutes un grand classique de la rétro trance, le morceau Two Full Moon and the Trout. Ce week-end, week-end spécial pour la fête de la musique, avec à partir de 15h tout à l'heure au Café de Paris, rue de Paris à Lille, tout près de la place de l'Opéra, une petite après-midi techno, rétro, électro, animée par quelques DJ intergalactiques et quelques membres du portail Sound System. Il y aura par exemple Platine, Ice, GM, Malatan, Jay, Philippe, Sacha, Insomniac, Huggy, Costado et Tecox. Et ça continue demain, dimanche, à partir de 14h, toujours au Café de Paris à Lille, avec Michael au Platine, Ice, GM, MD, Manhattan, Connie, Quick, Milox, Sacha, Ridou et Huggy Costado. Plus d'infos en un clic sur internet www.soundsystem-mix.fr. On continue en musique et en rétro. Forcément, c'est Sound System, la face A, comme tous les samedis, jusque 10h, avec pêle-mêle Nalin & Kane, Titi Twister, OT Quartet, le morceau Hold That Sucker Down. Tu restes calé, Sound System. System Galaxy, la face A, le coup de vieux du samedi matin depuis 8h, directement calé, fréquence 95-30 pour le meilleur de la rétro ou sur internet en un clic www.soundsystem-mix.fr ou sur le live.galaxyfm.com. On termine notre émission avec côté quartet All That Sucker Down. Un petit mot concernant la fête de la musique, ça démarre tout à l'heure à partir de 15h directement au Café de Paris, rue de Paris à Lille, tout près de la place de l'Opéra, avec deux moments à ne pas manquer pour de la rétro, techno, électro. L'entrée est gratuite, elle commence tout à l'heure à partir de 15h avec ASGM, Manhattan, Jay, Philippe, Sacha, Insomniac, Huggy Costado et Tecox au platine. Et demain, dimanche 21 juin, à partir de 14h toujours au Café de Paris, rue de Paris à Lille, Michael au platine, accompagné de Ice, GM, MD, Manhattan, Connie, Quick, Milox, Sacha, Ridou et Huggy Costado. Passe d'excellents moments à l'écoute de la radio. Je te laisse en compagnie d'Hubert pour le plein de mix électro. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Sound System face A. Sinon, si tu aimes le concept 100% interactif, à demain, dimanche, 10h pour un autre Sound System. Ciao. Sound System. Sound System. Sound System. Sound System. Sound System. Sound System. Sound System.